Québec. 15h30 exactement, mesdames, messieurs, sur les ondes de CKRL 89.1, comme la charmante dame électronique vient de nous le dire. Eh bien, nous sommes le 8 février 2012, Christian Saint-Pierre aux commandes. L'émission La Fausse Patte en ondes, comme à toutes les semaines. Eh bien, chers auditeurs, magnifique journée, fait très beau, froid, un peu piquant. Mais pour l'hiver, quand même, on est très chanceux, ça se passe très bien. Je sais pas si vous profitez un peu de l'extérieur et du carnaval, présentement, qui bat son plein. Ben écoutez, mesdames et messieurs, encore une fois cette semaine, contenu, voilà, politique très effervescent, très dense. En deuxième partie d'émission, on va s'attarder à cette polémique, je dirais même jusqu'à dire scandale, provoqué par les propos du sénateur conservateur, monsieur Pierre-Hugues Boisvenu, qui, évidemment, on se rappelle, monsieur Boisvenu, sa fille a été assassinée, voilà, par un criminel. Il est lui-même, le parti des, cette histoire a fait couler beaucoup d'encre, en fait. Sa fille qui était d'abord portée disparue, qu'on a retrouvée ensuite de ça, assassinée. Eh ben, lui qui milite beaucoup pour justement l'augmentation des peines au niveau des criminels, eh ben, il a dit cette semaine, après avoir constaté que beaucoup de criminels se suicidaient dans leur cellule, il a dit, et je cite, « Toutes les condamnés devraient avoir droit à une corde dans leur cellule, question d'en finir. » Eh bien, évidemment, ça a fait réagir beaucoup de gens là-dessus. Ça a fait remonter à la surface le débat sur la peine de mort. Parce que, bon, écoutez, il faut pas aller chercher loin du côté des conservateurs pour comprendre que après s'attaquer à Kyoto, après s'attaquer au régime des armes à feu, eh bien, on n'est pas surpris d'apprendre non plus qu'à quelque part, Macère et guette une envie de peut-être ramener la peine de mort. Donc tout ça a refait surface, on va en parler en deuxième partie d'émission parce que ça l'a fait réagir. Tout d'abord, on va avoir Yannick Marcil qui est chroniqueur économique au journal Voir sur le site internet. Entre autres, il y a deux de ses biais, celui du 1er février, celui du 6 février, qui parle de ça. Il nous parle de la dérive économique du sénateur Boisvenu. Il va nous expliquer qu'est-ce qu'il entend par ça. Et ensuite, il nous parle de vulgarité, parce que cette dérive économique, justement, amène les propos et des décisions que lui juge vulgaires. Alors, j'ai très hâte de l'entendre là-dessus. Ça sera sur le coup de 16h. Ensuite, en deuxième, à la toute fin de l'émission, M. Jacques McBrady, qui vient de Ville-Saguenay. M. McBrady a intenté... pas des poursuites, en fait, a posé une plainte au criminel à la Sûreté du Québec contre le sénateur Boisvenu, parce que vous savez, mesdames et messieurs, lorsqu'on incite quelqu'un à la mort, lorsqu'on dit des paroles qui peuvent inciter quelqu'un à se donner la mort, eh bien, c'est un acte criminel passible de 14 ans de prison. Et lui, il a jugé que les propos du sénateur pouvaient être de cette nature. Et puis, ben, sa plainte a été reçue. En tout cas, on va en parler avec lui plus tard. On l'a interviewé en début de journée, en fait, à une entrevue préenregistrée qu'on va vous passer un peu plus tard dans l'émission. Encore une fois, une initiative citoyenne, ici à La Fausse Patte, on se donne cette mission-là, de donner du temps d'antenne, de mettre en lumière ces initiatives qui, justement, visent à dénoncer et à se dresser, voilà, devant la machine de gouvernance. Nous sommes en démocratie, hein, et le seul pouvoir que l'on a, c'est celui de s'affirmer, de poser nos opinions et de prendre en main les situations qu'on juge inconfortables et inadéquates. Notre ami Alexandre Warnet, lorsqu'il est venu il y a quelques semaines, citait Gandhi en disant que l'on devait être le changement que l'on souhaite. Et ben, c'est un peu ce que M. McBrady a fait. Et voilà, il nous expliquera le total de sa démarche. Parlons de changement, hein, c'est quelque chose d'extrêmement à la mode ces temps-ci dans le discours politique ambiant au Québec, n'est-ce pas? Depuis l'élection de l'ADQ, le grand éclat de l'ADQ aux élections de 2006, ma mémoire est bonne, eh ben le mot changement est extrêmement populaire. Bon, aux élections fédérales du 2 mai, on voulait du changement, donc on a fait élire le NPD, on a annihilé pratiquement le bloc de la carte électorale. Et là, sur la scène provinciale, eh ben ce fameux mot changement est de toutes les bouches. Tous les partis politiques sont en train de se redéfinir, pigent un peu à l'aveuglette et à la hâte, à l'urgence, des idées à gauche, à droite, question de se battre. Un plan d'action et un discours qui va plaire à une grande majorité de l'électorat. Et, ben, écoutez, on a fait grand état ici à La Fausse Patte de ce qui se passe au PQ présentement. Évidemment, le Parti libéral est silencieux, hein, préfère jouer la loi de l'omerta, c'est un mauvais jeu de mots, pour rester dans l'ombre. Et d'ailleurs, c'est une grande force du Parti libéral et de Jean Charest, un politicien hyper efficace et hyper habile, de laisser les autres s'entre-déchirer. Mais le champion du changement, évidemment, celui qui se porte en tant que grand chevalier de l'ère nouveau au Québec, c'est notre ami François Legault. François Legault, évidemment, Maintenant, pour ceux qui ne le connaissent pas du tout, ce qui serait surprenant, on le voit tellement partout, c'est le favori des grands médias de masse. Eh bien, M. Legault, ancien ministre péquiste, fondateur et grand administrateur de Air Transat, c'est un millionnaire, c'est un gars qui a réussi, c'est un grand homme d'affaires, eh bien, a lancé plutôt à la fin de... de 2011, dans les derniers mois de 2011, un parti qu'il appelle la Coalition Avenir Québec. Et il se dit justement porteur, il se dit être un peu l'incarnateur, si ça se dit, je pense que oui, l'incarnation plutôt de ce grand changement dont le Québec a besoin. Il était le 1er février dernier au Franc-Tireur, il a accordé une entrevue à Richard Martineau, et personnellement, cette entrevue me fait grandement réagir. À la base, je savais très bien que je n'étais pas du tout du même côté que M. Legault. J'ai pris quand même la peine de l'écouter bien attentivement. Et si vous permettez, je me suis préparé en tant que citoyen, simple citoyen, hein. Nous sommes dans une démocratie. Lui, il prétend pouvoir diriger mon pays, il prétend pouvoir gagner ma confiance, gérer mes impôts et mener sous de meilleurs cieux mon pays. Eh bien, je l'ai écouté attentivement et... voici ce que j'ai à lui répondre. Il se dit d'abord un grand acteur de changement. Eh bien, M. Legault dit qu'il faut maintenant prendre des décisions dans l'appareil public. L'État est trop lourd à gérer. C'est trop. Il faut maintenant couper. Il faut couper, couper. Et c'est le discours que la population voudrait voir entendre, veut véhiculer. Eh bien, au niveau changement, mesdames et messieurs, on repassera. Parce que. On dit que la mémoire en politique est de 6 mois, elle est très courte. Il faut juste reculer un peu plus tôt, il y a une quinzaine d'années, pas plus, lors du règne de Lucien Bouchard. Lorsqu'il est arrivé à la tête du PQ après le référendum, il est arrivé encore une fois en sauveur, comme se veut l'être M. Legault. Et il est arrivé avec son fameux déficit zéro. Il a sabré dans les services publics, mesdames et messieurs, comme la grande faucheuse le fait sur les champs de bataille. Il a coupé un peu partout, ça l'a donné le virage ambulatoire dans le service de santé avec le ministre Rochon, hein, et Jean Rochon. Ça a donné aussi une grande bagarre, le fameux virage Axworthy qui est parti d'Ottawa, que lui voulait suivre également. Pauline Marois, qui était à ce moment-là, qui a été ministre de l'Éducation à ce moment-là, prônait la hausse des frais de scolarité. Évidemment, ça n'a pas fonctionné parce que le mouvement étudiant s'est levé, bravo. Ça a donné aussi François Legault qui est débarqué, hein, ce fameux François Legault. Il a débuté sa carrière politique sous Lucien Bouchard. Deux patrons millionnaires qui s'associent, n'est-ce pas? Nous souvenons-nous de ça également. Eh bien, ça a donné la fameuse réforme, cette grande réforme. D'ailleurs, Martineau l'a interpellé là-dessus, l'a confronté, et François Legault de dire elle a été ni une réussite, ni un échec. Nini. C'est un champion du Nini, notre cher François Legault, n'est-ce pas? Lorsqu'il a lancé la plateforme, il a lancé officiellement plutôt la coalition Avenir Québec, c'était « On verra plus tard. Je suis ni de gauche, ni de droite. Je suis ni souverainiste, ni fédéraliste. Et là, ma réforme, elle a ni fonctionné, ni réussi, ni échoué. » Alors, où se situe-t-il? Madame, messieurs, il faut pas chercher très très loin dans le système scolaire, faut pas connaître beaucoup de profs pour se rendre compte que la réforme scolaire, ça a été un échec total. Ça a été un échec total. Ou presque. C'est certain qu'il y a quelques réussites parce que dans le milieu, il y a des choses qui ont fini par fonctionner, mais en bout de ligne, le taux de réussite n'est pas très élevé. Et bien, quand on parlait également de cet état que l'on doit changer, que l'on doit alléger, je vous parlais de Lucien Bouchard et sa lutte au déficit zéro, et bien, Jean Charest, lui, est débarqué il y a 8 ans au pouvoir. Et ce qu'il promettait, lui, c'était une réingénierie de l'État. Où en est-elle, cette réingénierie de l'État? Au point zéro. Ça n'a jamais bougé. Donc, cette promesse d'alléger cet appareil étatique, eh bien, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Même si on prétend du côté de François Legault que la population veut ça. La population, elle l'a décidé, c'est elle qui le décidera. Il l'a dit ça, Richard Martineau, mot pour mot. Ce sera à la population de décider, c'est ce que la population veut. Eh bien, moi, justement, je me suis intéressé à cette population, mesdames et messieurs. Je me suis intéressé à nous, au Québec, n'est-ce pas? Qui sommes-nous, nous? Les patrons de cet homme. Hein? Cet homme, c'est un patron, hein, un grand entrepreneur. C'est un boss. Lui, il pense que être premier ministre, c'est être boss. Ben, soit dit en passant, être premier ministre, c'est pas être boss. Parce que les patrons de la démocratie, mesdames et messieurs, c'est le peuple. C'est nous, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde ici. C'est nous, les patrons de la démocratie. Et lui, il veut gérer ça comme un boss. Lui, il dit que la population du Québec veut entendre telle chose. Bon, j'ai fait des petits calculs. Je me suis intéressé, là. Lui, il veut sabrer, il veut rentrer dans le lard carrément de la fonction publique. Il veut couper jouer à la grande faucheuse comme Lucien Bouchard l'a fait, son grand mentor politique, il y a quelques années de ça, à la tête du Parti québécois. Eh bien, mes chers amis, c'est pas compliqué. Il veut s'attarder, première chose qu'il a dit, il faut augmenter les frais de scolarité. D'accord? augmenter les frais. Non, je reviens plus tôt. Il dit que, premièrement, le premier argument qu'il dit, c'est que le Québec doit et peut faire mieux. Ça, c'est le slogan de son parti. Le Québec peut et doit faire mieux. Eh bien, comme M. Jean-François Lisée nous l'expliquait la semaine dernière avec son livre « Comment mettre la droite KO en 15 arguments », il dit que c'est une fumisterie, que ce n'est pas vrai que le Québec performe mal, parce qu'on défend du côté de la CAQ qu'on est morose au Québec, on est l'enfant, on est les parents pauvres de l'Amérique. Et là, ce cher M. Lisée, dans son livre dont il est venu nous parler la semaine dernière, qui est publié chez Stanké, nous disait à deux... en fait, j'ai relevé dans ce livre deux arguments. Tout d'abord, au niveau de l'OCDE, ça c'est un organisme de développement économique, il y a des tableaux qui sont sortis. En 2007, il y a un tableau ici qui indique le taux de faible revenu des habitants d'après les mesures du panier de consommation. Ça veut dire au niveau des provinces canadiennes. Ça, c'est chaque habitant, chaque individu au Québec qui, en fait, c'est le pouvoir d'achat carrément. Et le Québec arrive bon deuxième au Canada, devant l'Ontario, qui est très loin, l'Ontario, elle est cinquième. Il y a juste l'Alberta, à cause de son pétrole, évidemment, et le gros boom qu'elle connaît depuis plusieurs années, où le taux de faible revenu est le plus bas. Le Québec arrive deuxième au Québec au niveau du taux de faible revenu dans le Canada. Donc, première vérité fausse, c'est celle-ci. Ensuite, au niveau de l'OCDE, eh ben, au niveau de la proportion de faible revenu, encore une fois, des habitants selon les pays de l'OCDE, c'est un organisme qui parle d'économie au niveau mondial, eh ben, si le Québec était un pays, mesdames et messieurs, nous serions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8e au monde. 8e au monde devant l'Allemagne, devant les Royaumes-Unis, les États-Unis, la France. On serait devancé uniquement par le Luxembourg, la Norvège, le Danemark, la Suisse, l'Autriche, la Suède et la Finlande, qui sont, pour la plupart, de grands modèles au niveau de l'administration publique, qui sont souvent des grands pays, sauf la Suisse, des grands pays qui ont des régimes plus à gauche et non de droite, comme M. Legault se dit pas de droite, mais on s'entendra que sombrer dans les services publics, c'est une vision de droite. Donc, premièrement, c'est pas vrai qu'on est plus pauvre au Québec que les autres, c'est pas vrai au niveau des habitats lorsqu'on répartit la richesse. Parce qu'elle est là la grande faille du discours de François Legault. C'est la répartition de la richesse, mesdames et messieurs. Il veut que le Québec soit plus riche. Au total, tout, là. Là, à la toute fin de son mandat, ce qu'il veut, c'est qu'au bout de 4 ans, il y ait plus de fric, plus de cash au Québec. Mais qu'en est-il de sa répartition de la richesse? Il veut un Québec plus riche. Mais il veut, tout d'abord, augmenter les frais de scolarité, c'est-à-dire créer une génération d'étudiants endettés. Premièrement, ça c'est un non-sens. Ça fonctionne pas, ça. Deuxièmement, il veut sabrer 4000 postes chez Hydro-Québec. 4000 postes, ça équivaut à peu près 20% des postes qu'il y a chez Hydro-Québec. Mais ces 20%-là, ces 4000 postes-là, qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? On les envoie au chômage. Il n'y a plus de travail. On les met en retraite anticipée. Ils sont à la retraite anticipée. Ils sont sous le bras de qui? De l'État. Donc, c'est une fausse coupure de dépenses. Ça marche. Et des gens qui se retrouvent au chômage, je m'excuse, ils consomment pas. On stimule pas l'économie en faisant ça. Ça marche. On veut aussi couper, on veut renégocier avec les services publics. Eh bien, les services publics, mesdames, messieurs, ça représente beaucoup de monde quand même. Tout ce qui est syndicats nationaux, on parle, mettons, de la Fédération des travailleurs du Québec, la FTQ, la CSN, les syndicats également de la santé publique. Ça représente beaucoup de monde. J'ai fait des petits calculs selon les chiffres de 2008, parce que selon la dernière élection générale, je voulais aller chercher le nombre de votants, ceux qui ont 18 ans et plus. Ça frise à peu près les 5 millions. Ça marche? Eh bien, quand on additionne tous les syndiqués du Québec, d'accord, que M. François Legault veut couper, veut renégocier avec eux, d'accord, il veut qu'on leur enlève des acquis que ça coûte moins cher à l'État, plus la Fédération des étudiants universitaires qui fédère 150 000 étudiants, tout ça, grosso modo, ça donne à peu près 500 000 personnes. 500 000 personnes, c'est 10% de 5 millions. Ça va? Donc, 5 millions d'électeurs, lorsqu'on parle de tous ces gens-là que François Legault veut confronter face à face, il veut vraiment les brasser, ça donne 10%. Eh bien, je suis désolé, mesdames et messieurs, pour quelqu'un qui va atteindre le pouvoir dès la prochaine élection, 10% de l'électorat, c'est énorme. Il ne peut pas se mettre à dos tous ces gens. Ça ne fonctionne pas. C'est mathématique. Ça marche? Il ne peut pas prendre le pouvoir s'il a 10% qui sont contre lui. Je vous rappelle que 10%, c'est l'appui que Québec solidaire a réussi à aller chercher dans les derniers sondages, et c'est cet appui-là que le PQ veut aller chercher justement pour espérer prendre le pouvoir pour empêcher la CAQ de rentrer au gouvernement. Dans les sondages, mesdames et messieurs, les trois gros partis, on parle de la CAQ, du PLQ et du PQ, se partagent grosso modo un tiers de la tarte électorale, donc entre 25 et 35% au gré des sondages. Ben 10%, mesdames et messieurs, si François Legault vraiment veut jouer les fiers à bras avec ces gens-là, eh ben ça se peut fort bien qu'il ne puisse pas passer. Donc, va-t-il vraiment le faire une fois qu'il sera au pouvoir? Parce que, souvenez-vous, les étudiants sont sortis dans la rue. Moi, je suis fils d'une infirmière militante. Quand ça a été le temps de sortir pour revendiquer, ils sont allés et je pense que la population va se tenir debout. quand il parle également, et puis de toute façon, ces 500 000 personnes-là qui sont syndiquées, qui sont également ce 10% de la population qui sont syndiqués ou étudiants, évidemment, ça ne font pas partie de la population. Quand François Legault parle de « c'est ce que la population veut », ben il néglige quand même ce grand nombre de personnes qui, eux, ont peut-être un tout autre avis sur le sujet. On continue sur cette entrevue que je me permets de critiquer. Évidemment, il parle de son côté qu'il veut rentabiliser, il veut féliciter, il veut récompenser la performance au niveau des services publics. Premièrement, il veut que les gens travaillent plus. Eh bien, ça, mesdames et messieurs, il ne faut pas passer beaucoup de temps dans un hôpital ou dans une école secondaire pour comprendre que les gens de la fonction publique ne peuvent pas travailler vraiment plus. Moi, j'ai des amis, par exemple, à la commission scolaire des Bois-Francs, à Victoriaville. Fred, il enseigne l'anglais dans 4 écoles différentes au primaire. Il n'y a même pas de bureau. Il se promène avec des vieux livres sur un chariot d'une école à l'autre dans son char, et c'est comme ça qu'il donne ses cours en empruntant les locaux des autres. Il doit même aller enseigner dans les bibliothèques à certains moments. Sa femme, Karine, qui enseigne dans des classes mixtes, 5-6e année dans un village, 34 élèves déjà dans sa classe, elle se fait envoyer un étudiant irakien l'année dernière, un élève irakien qui ne parle pas français, sans ressources supplémentaires pour l'aider. Et là, on doit dire à ces gens-là qu'il faut qu'ils travaillent plus. Les infirmières qui font des chiffres doubles dans les urgences parce qu'il manque de personnel. Les ambulanciers qui ne sont pas capables de donner des services adéquats parce qu'il n'y a pas assez d'effectifs en présence pour donner un service minimal. On va encore demander à ces gens de travailler plus. C'est odieux. C'est dégueulasse de demander ça. Il faut vraiment pas avoir une vraie vision de la réalité de ce qu'est le Québec. Et lui-même, François Legault, se vante d'avoir une vision lucide de ce qu'est le Québec. La performance, justement, parlons-en. On veut donner des récompenses aux profs et aux médecins selon leur taux de réussite. Mais comment on calcule ça? Plus un médecin voit de patients dans une journée, plus il va être payé cher. Moi, je m'excuse, mais je me fais déjà brasser dans le bureau de mon médecin. Ça va déjà trop vite à mon goût. Là, ça va aller encore plus vite parce qu'il faut qu'il voit 5 à 6, 7, 8 personnes de plus par semaine. Ça va aller plus rapidement. Est-ce qu'il va prendre le temps de bien s'attarder à mon cas? Est-ce que les médecins ne seront pas poussés justement à bâcler leur diagnostic? Et là, on joue avec la vie des gens, mesdames et messieurs. On joue avec la vie des gens. Un médecin qui va se voir obligé pour avoir son bonus à la fin de l'année de voir 10 personnes de plus a beaucoup plus de chances de faire des erreurs fatales pour la vie d'un être humain. Est-ce que c'est ça qu'on veut, nous, en tant que citoyens? Les profs, justement, les éducateurs spécialisés qui travaillent dans les écoles, n'est-ce pas? Est-ce qu'on veut vraiment que leur performance soit calculée au taux de réussite? On se plaint déjà que l'on... Et même cette droite-là, là, François Legault se plaint qu'on abaisse les cotes, qu'on abaisse les critères pour faire passer le plus d'élèves possible. Et là, on voudrait, à ce moment-là, réenchérir. On voudrait payer les profs selon les taux de réussite dans leur classe. On se plaint déjà. On ne sait pas se mettre en danger du tout hein, au niveau du rabaissement, justement, des critères d'évaluation. Est-ce qu'on ne va pas justement bâcler des diagnostics, justement, d'enfants à difficulté à problème? Voilà. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut au niveau de nos services publics? Je vous rappelle, mesdames et messieurs, que François Legault est devenu une vedette au Québec en fondant et en gérant Air Transat. Je ne sais pas, mesdames et messieurs, si vous vous souvenez, si vous avez déjà pris Air Transat. Moi, je voyage quand même régulièrement. Et quand on a goûté à Air Canada, Air France ou une autre compagnie aérienne comme celle-là et qu'on retombe à Air Transat, on y voit une nette différence. Hein? On est plus serré dans les avions, les services sont nettement moins bons, il faut payer pour toutes sortes de petites choses. Eh bien, c'est ça. C'est ça la vision François Legault. Hein? Voulez-vous que notre système de santé, que notre système d'éducation devienne le Air Transat des modèles d'administration publique dans le monde? Moi, je ne pense pas. On ne gère pas le Québec des services publics comme on gère une business. Et de toute façon, son modèle de business ne tient pas compte non plus du caractère humain dans tout ça. Et là, justement, on parle de démocratie, on parle de pays, on parle de peuple, on parle d'être humain. Est-ce qu'on veut, mesdames et messieurs, nous, en tant que société, être gérée comme une business? Parce que c'est ce qu'il est, ce cher François Legault. C'est un businessman. Je vous le dis, il veut rendre le Québec plus riche. Mais la répartition de la richesse, qu'en est-il? Il veut qu'on soit plus riche, plus performant, mais encore une fois, il veut couper les frais scolaires. Je vous ai tout déjà dit ça. À la fin de son mandat, là, est-ce qu'on va être devenu les États-Unis numéro 2? Où le pays, en total, tous les revenus total, globaux de notre Québec sont plus grands, mais concentrés entre les mains d'un petit groupe de personnes. Est-ce que c'est ça qu'on veut, mesdames et messieurs? Où on veut hein, que chacun des individus puisse prospérer de façon humble et normale, puisse se bâtir une vie à son goût, tranquille, à la hauteur des efforts qu'il met dans son travail et dans sa vie. Eh bien, pour ça, mesdames et messieurs, c'est pas un gouvernement comme celui de François Legault que ça nous prend. Ça prend un gouvernement, justement, qui a une vision sociale, qui a une vision globale de tout ça, qui tient compte du facteur humain dans son administration. Il faut être très, très prudent, mesdames. Je pense que c'est un danger, moi, si vous voulez mon avis, de faire élire un gouvernement comme celui-là, parce que ce sont des vieilles méthodes. Il se dit pro du changement, mais ce sont des vieilles méthodes. Il parlait justement qu'il faut... Il citait Jean Charest, que Jean Charest, c'est un parti corrompu au niveau du Parti libéral. Eh bien, une bonne nouvelle pour vous. Ben, une bonne nouvelle, c'est une mauvaise nouvelle, mais petite nouvelle pour M. Legault. Mesdames et messieurs, un agent officiel dans un parti politique, c'est quelqu'un qui est responsable du financement, d'accord? Qui travaille avec le DGEQ, ça c'est le directeur général des élections du Québec. Il y a des règles à suivre très, très serrées au niveau du financement des partis politiques. Eh bien, monsieur, si je retrouve mes notes, si son nom, pour trouver son nom officiel, voilà. Dans un article paru dans Le Devoir le 25 janvier dernier, Kathleen Lévesque nous rapporte que monsieur Marc Deschamps, qui est l'agent officiel de la coalition Avenir Québec, donc celui qui va être responsable du portefeuille du financement pour la campagne électorale, la prochaine campagne électorale de la CAQ, ben, est mêlé à un scandale au niveau de la construction. Ben oui. C'est ça. Ça s'appelle le Faubourg Contrecoeur à Montréal et il y a des anomalies très importantes qui ont été décelées dans le processus. Donc, je cite l'article, Marc Deschamps a siégé au comité de sélection chargé d'examiner les soumissions des promoteurs pour le développement du Faubourg Contrecoeur. Ça, c'était à Montréal, c'est un lot immobilier. Le dossier, le Faubourg Contrecoeur, dossier truffé d'irrégularités est mené par la Société d'habitation et de développement de Montréal. Le manque d'intégrité du processus de qualification auquel a été associé M. Deschamps a été critiqué par les experts mandatés pour faire la lumière dans ce dossier. La Sûreté du Québec, le dossier a été transmis à la Sûreté du Québec et selon les informations recueillies au 25 janvier 2012, l'enquête est toujours active. On rappelle aussi que ce M. Deschamps a travaillé pour le parti de M. Tremblay, à Montréal, Union Montréal, qui lui aussi a été soupçonné de corruption. Alors, M. Legault, je suis le changement. Je ne fais pas de la politique selon les vieilles méthodes. Mais j'engage un agent officiel, quelqu'un qui va s'occuper des finances de mon parti, qui est mêlé à des histoires de corruption dans le domaine de la construction. Le seul changement que je vois, moi, mesdames, messieurs, c'est le nom du parti. CAQ, PLQ, 4,30 sous pour une pièce. C'est la même chose. Dernier point où je veux vous amener également pour ce monsieur François Legault, c'est au niveau de la question nationale. Évidemment, il se dit ni souverainiste ni fédéraliste. Il dit qu'il est le meilleur parti pour négocier avec Ottawa parce qu'il est ni fédéraliste ni souverainiste. Il reproche à Jean Charest que, par exemple, sa vision fédéraliste va nuire dans ses négociations pour Ottawa, avec Ottawa. Parce que présentement, Ottawa, avec Stephen Harper, on ne vous l'expliquera pas 100 fois parce qu'on en a souvent parlé ici, les intérêts du Québec sont vraiment négligés, sont même bafoués. Le Québec est beaucoup perdant au niveau de ses acquis politiques et de ses idéaux. Et là, vu qu'il est fédéraliste, Jean Charest, qu'il prône une unité canadienne, eh bien, il est en position de faiblesse, selon François Legault, pour négocier. Selon moi, je suis d'accord aussi avec ça, si vous voulez mon avis. Mais de l'autre côté, il dit que Pauline Marois, elle, est en mauvaise position aussi, parce que si ses négociations avec Ottawa fonctionnent, ça nuit à son discours et à son idéologie. Il faut croire que cette phrase-là est entrée dans la tête de Pauline Marois parce qu'on sait que l'idéologie du PQ est pas mal affaiblie depuis son arrivée à la tête du Parti québécois. Donc, si je comprends bien de François Legault, lui, ce qu'il nous dit, c'est que j'ai des fédéralistes, j'ai des nationalistes de mon bord, fait qu'on va choisir notre option selon comment ça va se passer avec Ottawa. Très bien. Alors, mettons si ça continue dans la veine qu'on a présentement, le gouvernement Harper. Ça marche, qui est là pendant il est là au moins jusqu'en 2016, ça va? 2015 plutôt. Et là, dès, exemple, l'automne prochain, 2012, François Legault devient premier ministre. Si ça se poursuit dans la même veine avec le gouvernement Harper, là on parle du rejet des armes à feu, on parle de Kyoto, si ça fonctionne, et bien là tout d'un coup, si ça fonctionne comme ça, et bien si on continue d'être bafoué dans nos idéaux et dans nos acquis politiques au niveau du Québec, bien François Legault, lui, il va tourner souverainiste tout d'un coup, nationaliste, comme ça, bang, comme il a déjà été, soit dit en passant d'ailleurs. S'il tourne sa veste au niveau nationaliste, que vont penser les fédéralistes dans son parti? Va-t-il être capable de les rallier? S'il y a une unité parlementaire avec ses ministres et tout ça, il y a des gens de la DQ là-dedans, des libéraux, qui sont fédéralistes, va-t-il pouvoir les rallier? Et si au contraire il réussit à négocier avec M. Harper et à gagner des acquis, donc il va devenir fédéraliste. Les anciens péquistes qui sont là, M. Raté et Rebello, qui se disent, M. Rebello qui se dit toujours souverainiste, est-ce que Legault va pouvoir rallier à son projet ces gens-là? Eh bien, mesdames et messieurs, c'est ça qui se passe présentement avec la coalition d'Avenir Québec. C'est du « on verra », c'est-à-dire que « donnez-moi le pouvoir et ensuite je vais gérer ça au gré du vent », n'est-ce pas, comme il a toujours fait avec ses entreprises. Écoutez, faut se souvenir aussi, mesdames et messieurs, que dans notre système parlementaire britannique est extrêmement imparfait. Il faut faire les pouvoirs sont beaucoup concentrés dans les mains du premier ministre. On peut le voir vraiment avec Jean Charest et Stephen Harper présentement. Est-ce que nous voulons que cet homme qui s'appelle François Legault, qui se dit un apôtre, grand prêtre du changement, qui démontre de plus en plus lorsqu'il prend position, parce qu'il hésite souvent à prendre position, on comprend pourquoi, et qui nous démontre que finalement il va dépeindre un modèle qui est le même que les libéraux ont pris, voilà, depuis qu'ils sont au pouvoir en 2003, c'est-à-dire un parti de patronat, un parti qui est contre la fonction publique, le modèle social-démocrate que l'on s'est bâti au Québec, qui est contre les acquis du peuple québécois, qui ne vise que le cash, qui ne parle que d'argent, mais surtout, qui s'est fait un club de millionnaires, parce que c'est ce que c'est la CAQ, n'est-ce pas? Charles Sirois, c'est un autre millionnaire. Et rappelez-vous, et ça sera ma conclusion de cette critique, de cet éditorial sur la coalition Avenir Québec, et je pars de l'entrevue que François Legault a accordée à Richard Martineau sur les ondes de Télé-Québec au Franc-Tireur la semaine dernière. Ben, vous savez, la coalition Avenir Québec, mesdames et messieurs, on parlait de propreté de parti tout à l'heure, ça a d'abord été un OBNL. Ils ont contourné une loi, rien de moins. Parce que lorsque l'on est un parti politique, tout ce qui est financement, c'est régi par des règles très, très strictes. Et avant de devenir un parti politique, la CAQ était un OBNL, un espèce de groupe idéologique formé de Charles Sirois et de François Legault, des millionnaires, je le répète. Et ils se sont financés, ils ont fait une immense tournée au Québec pour faire la promotion de leurs idées. Il y a eu des conférences de presse, il y a eu des grandes rencontres, des forums où François Legault et Charles Sirois parlaient de leurs idéaux, de leurs plans pour le Québec. Et là, tout d'un coup, bang, ils sont devenus un parti politique. Et là, on se rend compte que l'OBNL, qui lui avait beaucoup de fric finalement, a financé aussi le parti politique. C'est pas illégal, mesdames et messieurs, mais c'est immoral. Et on trouve le moyen de nous dire du côté de François Legault que lorsque ils ont fait cette action d'OBNL, ils ne savaient pas qu'ils allaient créer un parti politique. Allons-nous nous laisser remplir comme des valises? J'espère que non. Et qu'est-ce qu'on doit faire contre ça, mesdames et messieurs? C'est pas compliqué. Il faut rappeler à François Legault qu'il n'est pas chez Air Transat, ce n'est pas lui le patron. Lorsqu'on est en démocratie, mesdames et messieurs, le patron, c'est le peuple. C'est à nous de décider ce que l'on veut voir siéger à Ottawa. Pas Ottawa, à Québec plutôt. Et à Ottawa aussi, pour l'instant, parce qu'on n'est pas encore un pays au Québec. On le souhaite, mais on n'est pas encore un pays. Eh bien, mesdames et messieurs, si, après ce que vous avez entendu, vous avez toujours envie de voter François Legault, eh bien, soit, allez-y, je respecterai votre choix. Mais de mon côté, je pense qu'il faut faire très attention, parce que celui qui se prône, c'est de la poudre aux yeux, celui qui nous dit qu'il va changer et qui dit qu'il va changer les choses dans 100 jours, dans les 3 premiers mois de son mandat, lorsqu'il sera au pouvoir, François Legault fera bouger les choses. Il dit aussi, il termine l'entrevue en disant ça avec des yeux de vainqueur, « Je vais changer les têtes dirigeantes des sociétés d'État. » Pour mettre qui à la place? Ces chums millionnaires qui ont déjà plein du cash plein les poches. La CAQ, c'est un club social de millionnaires. Votre club social à la job, vous faites quoi ensemble? Vous jouez au hockey costume dans un gymnase au centre Lucien Borne? Ben eux, ils se forment des partis politiques et décident de diriger des pays. C'est un peu ça qui nous attend, mesdames et messieurs. Sauf si on se lève et qu'on dit non et qu'on prend une autre option lors des prochaines élections. Là-dessus, mesdames et messieurs, on va passer à un bloc pub et un bloc musical. On va entendre du Jacques Dutronc dans ce bloc musical, entre autres, ainsi que les Vilains Pingouins. Et au retour, on va rejoindre Yannick Marcil au téléphone. Vous êtes gestionnaire, travailleur autonome ou employé et désirez vous perfectionner? Michel Couture Formation et Consultation Incorporée offre des formations dans la région de Québec dans différents domaines. Gestion du capital humain, service à la clientèle, vente et approvisionnement, communication, performance organisationnelle. Informez-vous également sur les formations en entreprise sur mesure et sur le coaching privé ou semi-privé. Pour connaître l'horaire des formations, mcformcoach.com. Contactez votre centre local d'emploi afin de savoir si vous êtes éligible à une subvention. mcformcoach.com. Plus de 70 000. C'est précisément le nombre de personnes qui écoutent CKRL 89.1 dans la grande région de Québec et les environs. Depuis 1973, grâce à vous, CKRL se construit, se bâtit, évolue et grandit. Toujours à l'écoute. Aujourd'hui, la plus vieille radio communautaire en Amérique du Nord, voire même dans le monde, CKRL est toujours là. Grâce aux milliers d'animateurs, de réalisateurs, de collaborateurs qui ont animé ces ondes. Et grâce à vous, auditeurs et auditrices toujours nombreux, toujours à l'écoute. Merci de laisser CKRL 89.1 cultiver vos goûts depuis 1973. À CKRL, Jean-Philippe Boisbriand, Michel Marcoux et Claude Brindamour vous entraînent dans leur univers surprenant et éclaté des tontons scalpeurs. Le mercredi, 20h30, seulement au 89.1. 89.1. Les gens autour de moi ne comprennent pas comment j'ai pu arriver à justice à Québec. Je suis pour le communisme, je suis pour le socialisme. We'll be right back. Vilain Pingouin, vive l'élection en direct de CKRL 89.1. La fausse patte, voilà, toujours en onde. Vilain Pingouin, d'ailleurs, qui seront au cercle au mois de mars, si ma mémoire est bonne. Moi, c'est un des premiers bands là, au début de l'adolescence là, qui m'a bien fait triper. J'étais un gros fan de Rudy Kaya. Et bien, mesdames et messieurs, en première ouverture d'émission, c'était mon éditorial sur la coalition d'Avenir Québec et François Legault. Entrevue que M. Legault a donnée, je réagissais plutôt à une entrevue que M. Legault a donnée à Richard Martineau des Francs-Tireurs la semaine dernière. Juste pour préciser quelques informations, je vous parlais tout d'abord d'un certain nombre de statistiques, en fait, et que M. Legault parlait de que la population voulait qu'il coupe dans les services publics. Eh bien, juste pour donner une petite idée, la CSQ, là, c'est les différents syndicats du Québec qui travaillent dans la fonction publique, mais en fait, tous les syndiqués, CSQ, c'est 120 000 personnes, la FISC, 57 000, SPQ, 40 000, CSN, 160 000, FTQ, 50 000, la Fédération des étudiants universitaires du Québec, qui sont 125 000. Donc, ça donne 552 000 personne qui serait touchée directement par cette confrontation avec François Legault. Et en 2008, à la dernière élection générale, il y avait 5 730 468 personnes inscrites sur la liste électorale, donc susceptibles d'aller voter. Donc, là, d'où venait mon 10% qui vont se braquer contre M. Legault lors des prochaines élections, ce qui rend son projet aussi difficile que ceux de Bouchard dans son déficit zéro ou Charest pour la réingénierie de l'État. Alors voilà, mesdames et messieurs, je vous annonçais sa venue à notre émission. On rejoint en ligne M. Yannick Marcille du Voir Montréal. Bonjour Yannick. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, vous? Oui, ça va très bien, merci beaucoup. Donc Yannick, vous définissez vous-même comme étant un punk à cravate et vous faites des chroniques de punk économie. J'aimerais ça que vous nous expliquiez un peu c'est quoi ça, un punk à cravate. Ben écoutez, dans le premier temps, c'était un peu pour faire rigolo, bien sûr. Mais disons que je définis comme... je me rapproche de l'idéologie punk au point de vue intellectuel dans le sens où j'essaie de remettre en question de façon systématique tout ce qui serait establishment intellectuel ou de pouvoir. Ça participe d'une volonté de déconstruire ces jeux de pouvoir-là et donc de ne pas s'asservir à une pensée, quelle qu'elle soit, de droite ou de gauche, mais donc de réfléchir par soi-même. C'est aussi simple que ça. Donc, mais je veux dire, est-ce que vous adoptez le no future? Est-ce que vous adoptez l'anarchie? Non, pas dans mon cas. Il y a beaucoup de mouvements punk, comme on le sait. Je demeure un humaniste profondément, mais je refuse de suivre les discours dominants parce qu'ils le sont, tout simplement. Très bien. Puis votre parcours, vous êtes économiste, vous avez étudié, vous avez fait... Je suis économiste et politologue de formation. Et depuis à peu près toujours, je suis consultant. J'ai eu quelques petites boîtes de consultation aussi, mais donc ma spécialité est en développement économique et en innovation technologique. Parfait. Monsieur Marcille, pourquoi je vous ai demandé voilà, de vous interviewer à mon émission, c'est que c'est toute cette il y en a qui diraient controverse. Moi, j'y vais avec le mot scandale, si vous voulez bien, si vous permettez. Des déclarations de ce fameux sénateur, voilà, conservateur, Pierre-Hugues Boisvenu, qui a déclaré comme quoi, ben, on sait que M. Boisvenu a perdu sa fille, voilà, assassinée par un criminel. Il a dit que, bon, en fait, ce qu'il a soulevé comme débat, c'est une facilitation, c'est de faciliter, en fait, l'accès au suicide carrément pour les criminels à perpétuité, des choses comme ça. Et ça, pour vous, ça vous a frappé et vous avez appelé ça, vous avez un billet, vous avez publié un billet sur le site internet du Voir qui s'intitule « Les dérives de l'économisme chez le sénateur Boisvenu ». Quel est le rapport entre l'économie et ce discours de M. Boisvenu? Ben justement, on a retenu beaucoup de sa sortie fracassante, cette horreur que je partage l'horreur avec vous là de suggérer qu'il y ait dans chaque cellule une corde pour que les détenus puissent se pendre. Mais dans la même sortie très courte, hein, soit dit en passant, qu'il a fait là, à la volée à Ottawa, il a mentionné que le procès de la famille Chafia, qui vient de se terminer il n'y a pas très longtemps, avait coûté environ 10 millions de dollars. Et que, et je cite là, Radio-Canada qui l'avait interviewé, ou qui l'avait écouté plutôt, que le temps était peut-être venu d'ouvrir un débat sur la peine de mort dans certains cas où les criminels sont irrécupérables. Donc, c'est un lien, autrement dit, entre le coût, certes important, de ce genre de procès-là et la peine de mort. Ce que j'ai trouvé, un, complètement odieux, et deux, complètement irresponsable au point de vue purement intellectuel. C'est-à-dire qu'on place un espèce de calcul coût-bénéfice d'une que la vie d'un criminel, certes, mais c'est sa vie, et du système de justice en plus, parce qu'il est question ici du procès et non pas de la peine à perpétuité ou de la peine de mort éventuelle d'un criminel, vient d'un procès. Et donc, on remet, le sénateur a remis en question cet acquis-là ou cette institution au nom d'un pur calcul économique. Et ça, pour moi, je m'élève totalement contre ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas évaluer le coût de nos décisions, blablabla, c'est une évidence, là. Mais qu'on justifie une position morale et politique sur des bases économiques, sur les bases d'un calcul comptable, ça me paraît tout à fait non seulement odieux, mais intellectuellement très, très, très dangereux. Très bien. Et est-ce que, selon vous, hormis cette position du sénateur Boisvenu qui vous vient, selon vous, d'une dérive économique, est-ce qu'il y a d'autres dossiers comme ça, d'autres grands items qui sont régis par ça, selon vous, qui ont été gérés de cette façon-là et qui ne devraient pas l'être? Tous. À peu près tous. Les débats politiques se ramènent depuis une à deux décennies à des questions de calcul, de coûts-bénéfices et de considérations économiques. La droite n'a pas le monopole là-dessus, soit dit en passant, de cette rhétorique-là. On met sur la place publique, à chaque fois qu'il est question de décisions politiques importantes, un calcul coût-bénéfice, que ce soit l'éducation, que ce soit la santé, que ce soit la culture, les arts et la culture, que ce soit l'innovation scientifique, le développement économique régional. Dans à peu près n'importe quel débat de société présentement, il est assorti d'un calcul économique. Encore une fois, je ne condamne pas le fait d'évaluer les coûts des décisions qu'on prend. Ça va, c'est juste normal et sain. S'il y a des gaspillages, si le système de santé nous coûte trop cher, il faut poser ces questions-là et prendre des décisions en conséquence. Là où je m'insurge, c'est qu'on met en amont, on pose en amont des questions. Des interrogations politiques et qui sont à la base souvent des interrogations morales, des choix globaux de société à très long terme, des purs calculs économiques. On envoie nos enfants à l'école, nos jeunes adultes à l'université en évaluant ce qu'ils nous rapporteront socialement dans le futur. On fait la même chose avec la création scientifique ou la création artistique. Et ça, je trouve que c'est une dérive et on n'est pas les seuls ici en Occident, là, c'est généralisé depuis belle lurette. C'est extrêmement dangereux de toujours recourir à cet argument-là, encore une fois, d'y recourir en amont, plutôt qu'avoir une vision de société, une vision politique, et qui permet de poser par la suite des questions de coût ou d'efficacité, qui sont tout à fait légitimes. Qu'est-ce que vous entendez par poser la question en amont? Ben, c'est-à-dire qu'on s'interroge dès les premiers balbutiements de l'interrogation politique, intervient le calcul économique, alors qu'il devrait arriver en aval beaucoup plus tard. On devrait d'abord se dire, par exemple, reprenons la peine de mort, qui est un débat moral. On doit se dire, est-ce que nous sommes pour ou contre la peine de mort pour des raisons X, Y, Z, qui sont des raisons politiques, morales, qui sont ancrées dans un schéma global, culturel, etc., etc., etc. Et après ça, on pourra discuter de l'efficacité des prisons, du coût du système de justice, tout ce que vous voulez. C'est la même chose en éducation. Est-ce que l'accès à l'éducation pour universel à l'éducation est une valeur que nous devrons défendre, oui ou non? Une fois cette question posée, après, on s'interroge sur les conséquences économiques de cette vision-là, mais pas avant. Très bien. Est-ce que vous avez des exemples concrets? Par exemple, vous me dites que toutes les décisions sont prises de cette façon-là en dérive économique. Est-ce que, juste pour bien illustrer voilà aux auditeurs, est-ce que vous avez un autre exemple? Je sais pas si c'est avec Kyoto, le régime des armes à feu ou je ne sais quoi. Est-ce qu'il y a quelque chose, selon vous, il y a un exemple qui vous vient en tête où c'est très, très frappant que l'argument économique prend le dessus sur l'aspect moral de la chose? Ben, encore une fois, je pense que c'est frappant à peu près partout. Je voudrais pas stigmatiser un personnage, mais parce qu'il n'y a vraiment pas le monopole de ça. Mais vous avez parlé de notre ami Legault tout à l'heure. Un de ses champs de bataille, c'est l'éducation. Alors, lorsqu'il parle d'éducation, il a une vision purement utilitariste de la chose. Et nos jeunes doivent aller à l'école pour pouvoir répondre aux besoins du marché du travail. Ce qu'on met en éducation, en termes de sous, donc l'ensemble de la société et éventuellement au gouvernement de façon économique. Et ça, moi, je trouve ça déplorable. Puis encore une fois, il n'y a vraiment pas de monopole. Le PQ et le Parti libéral ne sont pas vus en la matière. Ils ont le même genre de discours. Lorsqu'on parle d'environnement, vous parliez de Kyoto, c'est un peu la même chose. Le discours se déplace sur la place publique par rapport au réchauffement climatique, non pas sur le bien-être des générations futures, non pas sur la préservation d'un patrimoine écologique, mais sur ce que ça coûte et ce que ça rapporte à l'État. Est-ce que la pollution coûte quelque chose à l'État ou non? Et si ça coûte beaucoup trop cher, ben là, on va essayer de trouver des solutions techniques, écologiques, pour pouvoir y faire face. Alors que la question n'est pas là. Elle n'est juste pas là. Est-ce qu'on veut préserver nos écosystèmes? Est-ce qu'on veut avoir un environnement plus sain, etc., etc.? Les grandes questions environnementales de base qu'un élève de troisième année primaire est capable de se poser de façon éclairée, c'est à celle-là qu'on doit répondre avant de répondre aux questions économiques. Très bien. Donc, c'est ça à la base, c'est-à-dire on décidons qu'on prend soin de l'environnement, mettons, puis après ça, on verra c'est quoi nos... qu'est-ce qu'on peut faire selon nos moyens, finalement? Exactement, parce que c'est sûr qu'il y a des choix à faire par la suite. On peut... Si la contrainte économique n'existait pas, on vivrait dans un univers parfait, ce qui n'est pas le cas. Donc, évidemment, il y a des choix à faire par la suite. On ne peut pas tout financer et tout se permettre. Donc, peu importe nos orientations politiques, il y a des contraintes, c'est évident. Ce que je dis, c'est que ces choix, ces calculs-là doivent être faits après et réajustés, bien sûr. Mais en amont, il doit y avoir une pensée politique, une pensée globale à long terme qui questionne et qui s'attache à notre vivre ensemble et non pas un pur calcul de gestionnaire et d'administrateur, auquel cas le politique est complètement évacué, puis on fait face à la tyrannie de la rationalité de gestion qui est au pouvoir. D'ailleurs, c'est ce que François Legault, encore une fois, écoutez, c'était mon éditorial de tout à l'heure, François Legault préconise ça, c'est-à-dire gérer un bon gouvernement qui va gérer ça comme une business. Exact, c'est ces mots, et c'est pas nouveau qu'il utilise ces mots-là, et on pourrait s'entendre que, malgré la rhétorique, c'est à peu près le discours de tous les partis politiques. La stratégie du bon gouvernement du PQ, c'est un peu la même chose. Le Parti libéral parle toujours de responsabilité, d'être un bon gestionnaire, etc. Encore une fois, j'insiste là-dessus, la droite n'a pas le monopole de ce discours économiste. C'est dans l'air du temps d'être utilitariste, d'être des bons gestionnaires, des bons technocrates, et d'évacuer finalement les grands projets politiques, les grandes idées du vivre ensemble. Et si on ramène ça à un rapport individualiste, par exemple, à la personne, c'est comme si quand c'est temps d'avoir un enfant, par exemple, dans un couple, c'est comme si on allait vérifier si ça allait être rentable pour nous, on allait faire des calculs comptables, savoir si c'était le moment de faire un enfant. C'est bien ce que vous me dites, finalement. J'aime beaucoup l'analogie, je pense que c'est exactement ça. Est-ce qu'on choisit d'avoir des enfants pour des raisons financières? J'espère que personne ne fait ça. Est-ce qu'on décide d'une carrière pour des raisons économiques et financières? J'espère qu'on ne le fait pas trop. On le fait, ça, je vous le confirme. Écoutez, en aval, à certains moments, on se pose la question. On se dit, OK, je veux devenir musicien. Ben, ça a des conséquences économiques. Et je risque d'avoir beaucoup de difficultés à gagner ma vie. Donc, ça intervient dans comme contrainte exactement de la même façon qu'avoir un enfant peut à un moment donné. Ça peut intervenir dans la décision de dire, ouais, est-ce que j'ai vraiment les moyens maintenant? Je peux attendre un petit peu ou je vais devoir faire des sacrifices, etc. Ça peut rentrer dans le calcul et ça doit rentrer dans la décision. Ce que je dis, c'est est-ce qu'on le fait parce que c'est économiquement rentable? Ça serait éminemment triste que les grandes décisions de nos vies soient faites pour des raisons purement économiques et financières. Monsieur Marcil, on a un chroniqueur ici, judiciaire, à notre émission. En fait, judiciaire et constitutionnel. C'est un avocat du barreau qui est spécialiste en droit constitutionnel. Félix-Antoine Michaud, quand on a discuté il y a quelques semaines du registre des armes à feu, la loi C10 et tout ça, ce qu'il reprochait, lui, aux conservateurs, Maria Mourani avait le même discours, la députée du Bloc, elle disait que cette loi-là avait été votée sous des arguments idéologiques seulement. Et c'est un reproche qu'on leur faisait, qui, eux, avaient affaire au Parti conservateur. Ici, vous dites dans les dérives de l'économisme chez le sénateur Boisvenu, je prétendais hier qu'un débat politique doit être fondé sur une posture morale, sur une idéologie au sens propre. Donc, eux, ils reprochaient aux conservateurs d'avoir fait la loi C10 sur des arguments qui sont purement idéologiques. Et vous dites le contraire. Vous dites que c'est exactement ce qu'il faut faire lorsqu'on fait de la politique. Ben, je pense que oui. le gouvernement conservateur a été élu avec une plateforme idéologique, une vision éthique et politique du monde qui est celle du néoconservatisme de droite. Que ça nous plaise ou non, ils ont été élus en faisant la promotion d'idées. Je veux dire, on ne peut pas reprocher au gouvernement conservateur d'avoir mis en place le C10 pour des en défendant des raisons d'abord économistes. Ils ont défendu une vision politique du monde que je récuse complètement personnellement, mais qui est là et qui existe. Dans le processus électoral, ils ont été élus. Vous écrivez une semaine plus tard, donc le 6 février, il y a quelques jours, « Vulgarité du suicide ». Et la première phrase, c'est « Je n'écrirai pas un billet sur les causes et les conséquences économiques du suicide, cela serait vulgaire ». Donc, on comprend bien que c'est dans la continuité du billet d'avant, de la dérive économiste de Pierre-Hugues Boisvenu, pardon. Et vous, donc, vous parlez de la vulgarité du suicide, vous en voulez en venir à quoi avec ça, en fait? Ben, en fait, je m'en prenais très, très spécifiquement, là aussi, à des arguments quantitatifs. C'est-à-dire que, et je citais là une phrase tout à fait hallucinante que je vais vous lire parce que c'est incroyable. Le coût d'un suicide pour la société est évalué à 849 878 $, incluant les coûts directs pour les services de santé, l'autopsie, les funérailles et les enquêtes de police et les coûts indirects pour les pertes en productivité. Où est-ce que c'est hallucinant. Vous avez pris ça où, là? J'ai pris ça sur le site de l'Association québécoise de prévention du suicide, qui fait un travail extraordinaire. Et on m'a accusé de remettre en question son travail, ce qui n'est vraiment pas le cas. Mais cette association-là, comme ses congénères, est contrainte par cette espèce d'air du temps à utiliser, elle aussi, cet argument économiste pour défendre la cause. Finalement, allez-y, continuez, excusez-moi. Simplement, c'est que je m'en prends à cette espèce d'obligation rhétorique qui est généralisé présentement, où on doit avoir recours à l'argument économiste pour être crédible et pour faire avancer nos affaires. C'est quand même quelque chose. C'est comme si, écoutez, moi, j'imagine un enfant dans une école primaire qui fait ou un secondaire qui fait un discours, un exposé dans son cours d'éthique et religion, de dire ben le suicide, c'est pas bien parce que ça coûte 800 000 piastres quand quelqu'un se suicide. C'est débile, c'est complètement débile. C'est complètement fou. Encore une fois, je suis sans répéter parce que vous me donnez cette tribune que j'ai rien contre cette association et ses semblables qui font un travail aussi avec des moyens limités extraordinaires. Mais ils sont coincés eux-mêmes dans cette rhétorique, dans cette logique rhétorique qui est absolument indécente et vulgaire. Quant à moi, à écrire une phrase comme celle-là, c'est incroyable. Je veux dire, c'est incroyable. Personnellement, si j'étais un proche d'un suicidé, ou même si j'avais des tendances suivantes, je dirais ça, ben, je l'ai mis en bas d'un pont, excusez l'image, mais c'est oui. Complètement déprimant. Là. Si la société qu'on m'offre, c'est une société qui est à ce point obsédée par le calcul économique à pouvoir le calculer au dollar près, je ne sais pas, ça... J'ai eu des débats, moi, par exemple, je travaille dans les communications, donc sur la télé publique. On n'arrête pas de brailler, de chialer, de dire que Radio-Canada n'est pas assez performante. Elle pourrait être plus performante. Mais quand on parle des vraies bonnes émissions de télé que l'on a au Québec, tout le monde s'entend pour dire que ça vient de Radio-Canada. Et ça, les gens sont d'accord. Et c'est comme d'ailleurs, écoutez, si vous permettez, je vais faire un petit, et vous pourrez peut-être même vous exprimer là-dessus, Yannick, un petit détour par encore une fois le livre de Jean-François Lisée, j'imagine que vous connaissez M. Lisée, qui cite justement dans ce Comment mettre la droite KO en 15 arguments un autre journaliste économique, M. Pierre Duhamel, qui écrivait dans un article, une amir-kadirisation du Québec. Et il disait, et voici un extrait de l'article sur M. Duhamel. Selon un sondage, nous serions une majorité à souhaiter un retour à l'équilibre budgétaire dès 2011. Ça, encore une fois, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est le déficit zéro de Lucien Bouchard, la réingénierie de l'État de Jean Charest et la nouvelle idée géniale de François Legault. Donc, effacer ce déficit tout de même privé de 4,5 milliards de dollars. Comment effacer ce déficit tout de même prévu de 4,5 milliards de dollars? Rien ne serait plus simple. Il suffit, selon toujours le sondage, de réduire les dépenses, répondent 80 % des répondants. Je trouve ça vraiment bête que le gouvernement n'y ait pas pensé avant. Ça, c'est Duhamel qui dit ça avec ironie. Comment réduire ses dépenses? Pas en coupant les salaires dans la fonction publique, car il y a 50 % des répondants qui trouvent acceptables les hausses de salaire de 7 % sur 5 ans accordées aux employés de l'État. Il faudrait par contre diminuer les impôts, disent souhaité 48 % des répondants. Les réductions d'impôts ont de grandes vertus, mais pas de détruire à court terme les déficits de l'État. Pire, un groupe aussi nombreux, 45 % des Québécois, veut de nouveaux investissements publics pour créer de l'emploi. Récapitulons. Il faut couper 4,5 milliards de dépenses en un an, tout en augmentant les salaires des employés de l'État et en réduisant les impôts ou en augmentant les dépenses publiques pour stimuler l'économie. Ce n'est pas d'un ministre des Finances que le Québec a besoin, mais d'un magicien. Alain Choquette, où êtes-vous? C'est assez extraordinaire, puis ça résume bien, je trouve, votre pensée. C'est-à-dire qu'on essaie de quantifier, on a de la misère à fixer nos idéaux au Québec. Est-ce qu'on est en mal d'idéal? Oh mon Dieu, vaste question, hein. Mais je ne sais pas si on... premièrement, je répondrais de deux façons. Un, je réirais le mot Québec dans votre phrase, dans le sens où on n'est pas particulier. Je pense qu'à peu près partout en Occident, ce genre de rhétorique-là est généralisé. Deuxièmement, on a aussi les gouvernements qu'on mérite. Hein. Je veux dire, si cette rhétorique-là existe et si les résultats du sondage que Duhamel cite dans le texte que vous citez sont ceux qu'ils sont, c'est qu'on accepte cette rhétorique-là et on l'intègre. C'est un peu la fille à poule, on pourrait dire aussi. Là, c'est est-ce qu'on pousse vraiment l'action politique pour qu'elle soit différente ou on souhaite effectivement avoir de simples bons gestionnaires de l'appareil public comme on aurait, comme le dit M. Legault, là, qui gère ça comme une bonne business pour que ça soit, que ça fasse pas de déficit. Il faudrait se regarder un petit peu dans le miroir aussi avec les taux de participation aux élections qui sont atrocement bas, avec le peu d'engagement politique qu'on constate depuis des siècles, non pas des siècles littéralement, là, mais imaginez, depuis longtemps. La pierre est à lancer aussi aux citoyens et qui devrait susciter des débats politiques plus profonds et plus larges. Qu'est-ce qui s'est passé selon Yannick Marcil pour qu'on en arrive à ça? Oh mon Dieu, mais là, c'est pas selon Yannick Marcil, c'est selon beaucoup de sociologues et beaucoup de spécialistes de la chose. C'est la société d'hyperconsommation et hyper-individualiste qui a émergé après les 30 glorieuses, donc grosso modo à partir de la fin des années 60, qui fait en sorte qu'on cherche notre petit bonheur individuel, avoir notre bungalow, notre chien, notre clôture blanche, nos deux enfants, puis notre voyage en Suisse à chaque année. Le fractionnement du lien social et de l'importance du vivre ensemble date pas d'hier et, encore une fois, n'est pas nécessairement la conséquence unique de la montée du néolibéralisme, mais d'un hyper-individualisme qui fait en sorte que la vie de la cité, la vie politique, les grandes idées ne sont plus aussi vendables, mettons, ou vendeuses qu'elles ne l'ont été. Très bien. À la fausse patte, M. Marcil, on se donne une mission d'être positif et optimiste. Selon vous, là, quand vous regardez le paysage, on va se concentrer. Ben, on peut y aller au niveau mondial, Occident, ce que vous voulez, mais au niveau du Québec aussi. Selon vous, est-ce qu'il y a de l'espoir? Est-ce qu'il se passe des choses, selon vous, qui font en sorte qu'on est en train de basculer vers un renouveau? Ben, ça sera tout personnel et ça n'a aucun rapport avec ma compétence en sciences sociales. Mais dans ma vie professionnelle, ce que je vois de la génération montante, là, j'entends ceux qui rentrent sur le marché du travail ou qui sont rentrés depuis quelques années sur le marché du travail, ceux qu'on a étiquetés de façon un peu rapide, la génération Y. Ce sont des jeunes qui réinventent la façon de faire la politique, de vivre la vie communautaire, qui sont beaucoup plus branchés, qui sont branchés sur un paquet de visions à long terme, et je pense que l'espoir, il est très, très, très fort. Ils sont beaucoup moins cyniques, beaucoup moins individualistes que ce que moi j'ai vécu à leur âge, à la fin des années 80, qui me donne, moi, beaucoup d'espoir. Donc, oui, je pense qu'il y en a. Très bien. bien. Merci beaucoup, M. Martial. Donc, en résumé, votre point de vue là, au niveau... j'aimerais ça qu'on y revienne rapidement, juste pour les auditeurs comprennent bien. Au niveau de votre vision là, de l'économisme dérapant, en fait, et de la vulgarité qui l'entoure, qu'est-ce qu'on doit surveiller de votre opinion là-dessus? Qu'est-ce qu'on doit garder plutôt? Si vous aviez une dernière phrase à nous dire là, pour résumer votre vision des choses, ça serait quoi? Je pense qu'il faut balancer le discours qui met de l'avant d'abord et avant tout le calcul économique ou comptable et défendre à l'inverse le discours politique visionnaire qui importe de droite ou de gauche, mais qui est une vision dans le sens de une vision éthique, politique, de ce qu'on veut être comme société, de ce qu'on veut être comme communauté, comme groupe social et les questions pratiques de mise en œuvre de ça viendront par la suite, seront tout aussi importantes, mais elles viendront par la suite. Très bien, M. Marcille, c'est très gentil d'avoir accepté de participer à notre émission aujourd'hui. Donc, rapidement, on peut vous lire sur le blog du Voir sur Internet, mais est-ce qu'il y a d'autres endroits également où on peut découvrir vos opinions? Un peu partout, vous pourrez me trouver, mais à partir du Voir, en général, on me retrouve. Très bien. Alors, il s'est dit lui-même punk à cravate, il fait de la punk économie, c'était Yannick Marcille. Merci beaucoup. Merci. Alors, on se dit à une prochaine fois. J'imagine qu'on va avoir l'occasion de se reparler. C'est une vision assez, ben, assez particulière des choses qui, personnellement, moi, m'intrigue beaucoup. Donc, ça se peut fort bien que vous ayez à refaire surface ici à la fausse patte. Donc, merci beaucoup et bonne fin de journée. Ça sera avec grand plaisir. Bonne journée. Au revoir. Alors, mesdames, messieurs, on était en direct avec monsieur Yannick Marcille, qui est économiste et qui est chroniqueur-blogueur sur le site de voir.ca. Il nous expliquait que selon lui, ce qu'il faut surveiller, un des grands mâles, dont souffre notre société, c'est cette hégémonie du cash. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on parle de quelque chose, on vise d'abord le rendement. On vise d'abord, est-ce que ça va être performant? Est-ce qu'on va faire de l'argent avec ça? Et c'est un grand mal parce que selon lui, il y a des questions trop importantes, comme par exemple celle que fait surface avec la sortie de Pierre-Hugues Boisvenu, ce sénateur conservateur qui voudrait justement peut-être, qui d'abord parlait devant le suicide de certains détenus dans les prisons, a dit qu'on devrait donner une corde à chaque détenu devrait avoir sa corde dans sa cellule avec l'option de se pendre carrément, de s'éliminer lui-même. Et évidemment, la question de la peine de mort est revenue. Et là, on a dit que un des arguments qui était apporté, un des premiers, c'était ça coûte cher de garder les détenus dans les prisons. Et selon Yannick Marcille, lui, c'est épouvantable, et je suis absolument d'accord avec lui, que de penser tout de suite au rendement économique. Là, on parle, mesdames et messieurs, de tuer des gens. La peine de mort, tuer des gens. On condamne un tueur parce qu'il a assassiné quelqu'un, il a enlevé la vie à un être humain, et nous, en tant qu'être humain, on voudrait lui enlever la vie. C'est la loi du talion, c'est du œil pour œil, dent pour dent. Et ça, là, c'est les mêmes arguments que l'intégrisme musulman. On s'entend? Et cette droite-là, les conservateurs qui défendent ça, ce sont les premiers à crier contre l'islamisme et les dangers des musulmans au Québec parce qu'ils sont un danger à cause de ce genre de pensée-là, et eux, ils ont le même genre de raisonnement. C'est à nous d'être prudents et d'être très, très, très, très, très vigilants. Et je suis d'accord avec M. Marcille là-dessus. Lorsqu'on parle du suicide, entre autres, il nous parlait qu'on dénonce le suicide parce qu'apparemment que ça coûte, et j'ai le chiffre ici, je l'ai retrouvé, 849 878 $ lorsqu'une personne s'enlève la vie. Et on apporte cet argument-là pour combattre le suicide. C'est un peu tough. Comme vous pouvez voir, on a des grandes questions à se poser en tant que société. Pour l'instant, on va se détendre un petit peu. Après le bloc pub, on va y aller en musique avec un bloc nouveauté avec, entre autres, Alexandre de Belliard. Les productions Recto Verso vous convient à la 13e édition du Mois Multi. Plus de 50 artistes du Québec et de l'étranger sont attendus pour vous faire vivre des expériences inédites. Spectacles, performances multidisciplinaires, installations sonores et lumineuses, dispositifs robotiques, cabaret audio, œuvres interactives, le volet spécial Les Nuits Numériques, ateliers, rencontres avec les artistes et bien plus à la coopérative Méduse du 1er au 29 février 2012. Pour découvrir les nouvelles formes artistiques issues des arts multidisciplinaires et des arts électroniques, moimulti.org. Programmation, écoute en direct. Actualité, palmarès musical, téléchargement, clavardage et plus encore. CKRL.qc.ca. Toute l'information que vous recherchez sur votre station. CKRL.qc.ca. Cultivez vos goûts grâce au 89.1. Tous les mercredis, Tania Beaumont vous fait découvrir le paysage de l'actualité culturelle de Québec avec l'émission En direct du Sacrilège. Un rendez-vous incontournable entre 17h30 et 19h30 pour tout connaître sur la vie culturelle d'ici. En direct du Sacrilège, une présentation de la bière boréale, de Pastissimo Maître Traiteur et du bar Le Sacrilège, 447 rue Saint-Jean. 89.1. CKRL. Nous sommes partis de loin, nous autres. Qu'on s'en souvienne. Nous étions, comment dire, nous ne savions plus dire. Nous étions désarticulés. Les mots nous désertaient et filaient à l'anglaise. Avec le droit d'user du pronom possessif, le pouvoir même de nous nommer. Nous parlions mal, nous parlions oui, à peu près comme nous marchions, fatigués, tantôt hors d'haleine, chacun courbant muettement les chines au-dessus du sillon. Une langue à U et à Kia. Un parler de chevaux de trait rétifs et gauche dans leur attelage. C'était il n'y a pas longtemps. Nous nous embourbions dans nos phrases, cherchant sans cesse le terme juste pour dire comment dit-on? Comment dit-on? Liberté. Nous autres, partis de si loin, et tête basse au-dessus de l'inexprimable. Nous arrivons d'un long portage, avec chacun sur ses épaules son bagage de chansons d'aïeul et l'humiliation de son père. Nous nous sommes mis en marche, capables d'inventer un mot d'ordre. Nous autres, hier encore, désidentifiés, honteux et pauvres de nous-mêmes, vautrés dans le silence et l'impuissance du juron. Nous avons fait du chemin, armés de quelques vérités nécessaires. Nous voici dans la rue, coude à coude. Nous avons fait du chemin, une reconnaissable multitude, avec sa jeunesse érigée en porte-voix, pour prendre enfin la parole. De la calotte polaire sont cuites, les raisins en colère s'effritent, et les flottes d'icebergs menacent l'Afrique. Le fric. Aux quatre vents, les ouragans blancs de peur fuient l'effet de serre, vice funéraire, erre dans le ciel, sans l'ombre d'un doute, ajoute un air de fin du monde à tout. C'est l'apocalypse, on dit que c'est l'apocalypse. Oh, what? Les rizières tarissent, les rivières sont tarisques, plus d'une fois tarines, t'arrives un peu tard pour brailler. Tout est presque caillé, submergé. Les sages messages ont été rejetés par le système. Si l'espoir est un crachoir, tu peux le cracher quand même. À la face du monde, ce que tu redoutes, plus que c'est l'apocalypse. Des vagues. N'entendent pas sonner l'alarme, ils laissent faire indifférence, s'enfoncent dans la torpeur, alors qu'ici, au demeurant, dans ce pays, y'a de quoi Harper, Canada. Tu penses quoi, qu'on soit du Québec ou d'Alberta, c'est au même calvaire qu'on nous trouvera, et puis go dans le tas, comme au Canada. C'est l'apocalypse, c'est l'apocalypse. What? What you say? C'est l'apocalypse. End of the world. C'est l'apocalypse. C'est l'apocalypse. What? What you say? C'est l'apocalypse. End of the world. Don't get burned. We'll be right back. fin de bloc musical Galaxy 500. La fièvre, on a entendu également Ivy, Apocalypso, et pour commencer, c'est Alexandre Belliard, la prise de parole. Ben, mesdames et messieurs, pour ceux qui se joignent à nous sur les ondes de CKRL 89.1, c'est la fausse patte, Christian Saint-Pierre au micro. Aujourd'hui, ben, on s'est attaqué à deux choses d'actualité, comme d'habitude, d'actualité politique. J'ai tenté de répondre du mieux de mes capacités en ouverture d'émission à François Legault, qui, lors de son passage au franc-tireur avec Richard Martineau la semaine dernière, nous expliquait en quoi il sera un bon gouvernement et que ses qualités de gestionnaire feront de lui un bon premier ministre. Vous avez vu mon opinion là-dessus. Ensuite de ça, on a eu M. Yannick Marcil qui, dans ce scandale, dans cette controverse du sénateur Pierre-Hugues Boisvenu, sénateur conservateur, qui a dit que tous les détenus devraient avoir droit à une corde dans leur cellule parce qu'il y a un taux de suicide assez important chez les détenus et que alors que ces détenus devraient avoir droit à une corde, question de s'enlever la vie eux-mêmes. Et bien évidemment, ça a fait ressurgir le débat sur la peine de mort. Et M. Marcil nous expliquait que il y a une dérive au niveau de notre société. Non, il se servait de l'exemple du sénateur Boisvenu pour expliquer qu'il y a une dérive économiste, c'est-à-dire qu'on a tendance à ressortir comme argument premier pour chacune des décisions politiques et sociales qui sont prises, la rentabilité, la performance économique. Et d'ailleurs, ça, c'est un premier biais qui a eu lieu, qui a été publié, pardon, le 1er février dernier sur voir.ca. Un deuxième biais de M. Marcel est apparu aussi, donc le 6 février, la vulgarité du suicide. Il explique qu'il trouve odieux et condamnable, et ça je suis d'accord tout à fait avec lui, qu'on utilise encore une fois des arguments économiques dès le départ pour expliquer des décisions et que même un organisme sur la prévention du suicide dont il salue le travail, évidemment, doit se plier à ce genre d'argument-là en disant qu'une personne qui se suicide, ça coûte à peu près 800 000 piastres au Québec, et on se sert de cet argument-là pour dire que le suicide, ben, c'est pas bien. Évidemment, vous aurez convenu qu'au niveau moral et au niveau idéologique et tout ça, il me semble que ça n'a pas de bon sens. On est en train de sombrer dans une rhétorique, selon moi, qui est épouvantable, qui nous mène directement dans un trou noir. Eh bien, parce que moi-même, mesdames et messieurs, écoutez, je viens de Montmagny, natif de là-bas, et c'est une région qui est fortement touchée par le suicide. Chaudière-Appalaches a un des taux de suicide les plus élevés de toutes les Amériques. C'est une réalité qui est cruelle. Écoutez, entre mon 14e anniversaire et mon 20e anniversaire, j'ai pas perdu d'amis très proches, mais tout de même, j'ai vécu 5 situations, vous avez bien compris, 5 situations en quelques années seulement, où des personnes de mon entourage, de mes cercles sociaux, là, secondaires ou tertiaires, se sont enlevées la vie. Que ce soit un collègue de classe au cégep, le frère d'une de mes meilleures amies, Julie, que je salue, le frère d'un de mes amis, un des amis de mon frère d'ailleurs, des amis de la famille, un des garçons aussi s'est enlevé la vie. C'est un phénomène qui est épouvantable, c'est d'une tristesse, c'est une douleur sans nom pour ces familles-là, et qu'on soit obligé de réduire ça à un coût économique pour justifier qu'il faut combattre le suicide, eh bien, on est dans une société complètement malade, mesdames et messieurs. Comme j'expliquais tout à l'heure dans ma discussion avec M. Marcil, c'est comme si un élève au secondaire dans son cours de culture éthique religieuse, ou anciennement FPS, hein, moi, ce que j'ai vécu dans les années 90, il disait, ben, le suicide, mesdames et messieurs, c'est bien, on doit le combattre, parce qu'à chaque fois que quelqu'un s'enlève la vie, ça coûte 800 000 piastres. Vous diriez quoi, vous, à votre enfant, ceux qui ont des enfants à la maison, là, ou à votre voisin, ou à quelqu'un qui vous sort dans une conversation? C'est quoi votre réaction? Le suicide, c'est pas bien, parce que quand une personne meurt comme ça, en se tirant ou en se pendant, ça coûte 800 000 $. C'est quoi votre réaction si quelqu'un vous amène ça dans une discussion? Eh bien, c'est de l'indignation, il y a de quoi être outré, et c'est ce qui est arrivé avec un citoyen. Vous savez que la fausse patte, une de nos missions, c'est de mettre en lumière des initiatives citoyennes, des gens qui s'insurgent, je le dis à chaque émission, et je le redis, comme Michel Chartrand disait, la démocratie, ce n'est pas surveiller le pouvoir, c'est exercer le pouvoir. François Legault, qui veut s'imposer comme boss, comme patron du Québec, comme il le fait chez Air Transat, eh bien, j'ai des petites nouvelles pour lui. Les patrons du Québec, ce n'est pas lui et son équipe de millionnaires, ce sont nous, les citoyens, les gens qui veulent bien vivre, qui veulent d'un Québec libre, d'un Québec égalitaire et d'un Québec aussi où tout le monde peut s'en tirer. Et cet homme qui nous dit qu'on travaille pas assez, j'ai des petites nouvelles pour lui. La vente d'antidépresseurs a explosé dans les dernières années au Québec parce qu'on tombe en dépression et on tombe en épuisement professionnel. Et ça, vraiment, mesdames et messieurs, c'est ça la plaie. Et nous, on va se donner un premier ministre qui nous dit « Travaillez encore plus, bande de fainéants. » Voilà, c'est un homme qui va sortir le fouet et qui va nous pousser encore plus dans ces retranchements-là qui sont déjà très néfastes pour nous. Bref, tout ça pour dire que à Ville-Saguenay, arrondissement Jonquière, M. Jacques McBrady a pris une initiative, c'est-à-dire qu'il a déposé plainte au criminel à la SQ contre M. le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu, parce que selon le code criminel, tenir des paroles ou poser des gestes qui peuvent inciter quelqu'un à s'enlever la vie, c'est un acte criminel qui doit être réprimandé. Et on l'a eu en entrevue un peu plus tôt aujourd'hui. À cause de ses disponibilités, M. McBrady ne pouvait pas être en ondes en direct avec nous. Et il nous a accordé de pré-entrevue. Et c'est ce que je vous fais entendre à l'instant même. Alors, très chers auditeurs de La Fausse Patte, on est en direct de Ville-Saguenay avec M. Jacques McBrady qui a pris l'initiative, après les propos du sénateur Boisvenu sur les détenus, le suicide des détenus, de porter plainte en justice contre ce même sénateur. Donc, M. McBrady, bonjour. Bonjour à vous. Vous allez bien? Fort bien vous-même. Oui, merci beaucoup, c'est gentil. Écoutez, mon cher monsieur, expliquez-nous donc pourquoi ça vous est venu à l'idée, en fait, d'intenter de poser cette plainte-là au criminel contre le sénateur Boisvenu. Bien, le fait est que je considère que les propos qu'il a tenus sont aberrants, que quelqu'un dans sa position ne peut pas se permettre de tenir un pareil discours sans en subir des conséquences. Et c'est d'ailleurs en partie l'initiative de ma démarche. Je considère que l'incitation au suicide, qu'elle se fasse dans une polyvalente ou dans un parlement, n'a pas sa place. Vous-même, vous êtes militant, je pense, pour la prévention du suicide beaucoup. C'est une cause qui vous tient à cœur et sur laquelle vous travaillez. Bien, je milite sur ma propre base. Je fais de la sensibilisation auprès des étudiants que j'ai connus à l'université, que j'ai fréquenté pendant quand même quelques années. C'est justement mon objectif, c'est aussi de retirer la tare qu'il peut avoir face à la maladie mentale. Je ferais une comparaison avec un rhume. T'sais, tout le monde peut l'attraper. Tout le monde peut aussi souffrir de la dépression à un moment ou à un autre dans sa vie. Bien. Et vous vous basez sur quel élément du code criminel pour porter plainte en justice contre le sénateur? En vertu de l'article 241 du code criminel, quelqu'un qui incite une personne ou un groupe de personnes à s'enlever la vie peut être passible jusqu'à 14 ans d'emprisonnement. Très bien. Et très bien. Est-ce que selon vous, il peut y avoir des suites à cette d'abord, est-ce que c'est quoi la réponse que vous avez reçue du côté des autorités face à cette plainte-là? La Sûreté du Québec a jugé ma plainte recevable lorsque j'ai été apportée en personne jeudi dernier. Sinon, la plainte suit son cheminement régulier jusqu'au bureau du directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec. Parallèlement, on m'a avisé par le biais des médias que la plainte avait peu de chances de connaître une suite parce que les faits reprochés se sont passés en Ontario. J'envisage de régler ce petit imbroglio d'ordre de juridiction en communiquant avec la GRC le dossier. D'accord, donc vous allez monter d'un palier, en fait. Vous allez porter plainte directement à la GRC qui, elle, gère évidemment là, tout le territoire canadien, c'est bien ça? Exactement, parce que sinon, il faudrait que je me rende à Ottawa directement au bureau de la police provinciale de l'Ontario. Puis pour un gars qui gagne moins de 12 $ de l'heure, c'est comme un petit peu compliqué. J'avoue que c'est vrai que les initiatives personnelles comme ça au niveau citoyenne sont parfois très difficiles à porter. Écoutez, est-ce que vous avez reçu de l'appui? Je veux dire, au niveau, je sais que, bon, évidemment, ça a fait couler beaucoup d'encre là et vibrer les pixels sur Internet. Est-ce que vous avez reçu des appuis directement là, d'éditorialistes ou de journalistes, de chroniqueurs qui ont communiqué avec vous? Dans les médias, il y a une très bonne partie des médias, justement, qui s'est gardée de prendre position formellement en ma faveur ou contre moi. Sauf notamment les médias plus conservateurs. Je fais allusion évidemment aux pseudo-collègues de Radio X ou aux gens du Toronto Sun, des médias qui sont traditionnellement rangés plus à droite de l'échiquier politique s'insurgent contre mon initiative. Sinon, les autres médias se sont montrés un peu plus neutres sur la question. Mais si le sénateur Boisvenu se vante d'avoir eu 600 appuis, qu'il sache qu'un simple citoyen comme moi en a quand même reçu 350-400. Bien. Et à ce moment-là, est-ce que pour la poursuite de votre dossier, j'imagine, bon, ça va peut-être nécessiter des avocats, ça va peut-être nécessiter une équipe juridique autour de vous. Est-ce que vous avez un plan de match? Est-ce que vous avez, je sais pas, une fondation qui a été lancée ou quoi que ce soit? Est-ce que... En fait, moi, personnellement, je n'ai pas l'intention, dans un premier temps, de solliciter de la part d'avocats ou autres parce que j'ai simplement pas les moyens ni la force de mener ça à bout de bras moi-même. Je souhaite, par le fait que l'action se fasse au criminel, que ce soit justement le procureur de la Couronne qui s'occupe du dossier lui-même, qui prenne le dossier en main. C'est l'appareil juridique qui s'en sert à ce moment-là. Ce n'est pas une poursuite civile, c'est une poursuite criminelle. Très bien. Et là, c'est l'État à ce moment-là qui prend en charge le dossier et qui, qui poursuit l'enquête. C'est la publique qui s'en occupe. Très bien. Écoutez, mon cher monsieur... Jusqu'où vous voulez aller avec ça? C'est quoi vos intentions profondes, là? Est-ce que vous avez vraiment l'intention de faire condamner le sénateur Boisvenu? Est-ce que vous croyez en cette option-là? S'il est condamné, moi, personnellement, je serais plus surpris qu'autre chose. Sinon, c'est rappeler à la population que personne n'est au-dessus des lois. C'est rappeler aussi... C'est des principes que j'amène. Séparer le principe de justice versus le principe de vengeance qui semble être plus le véhicule dans lequel le sénateur Boisvenu semble s'être embarqué. C'est surtout avec cette perspective-là que je mets de l'avant mon initiative. Et vous avez parlé des radios de Québec, évidemment pas la nôtre, là, on s'entend bien, qui a posé des commentaires un peu particuliers sur les vôtres. Est-ce que vous êtes à l'aise de parler de ce qui s'est dit comme commentaire? De quoi on vous accuse précisément? Dans un premier temps, on m'a accusé de partisanerie parce que, oui, j'ai ma carte de membre du Bloc québécois, mais à ce que je sache, Daniel Paillé, l'actuel chef du Bloc québécois, n'a fait aucune sortie ni pour condamner ni pour appuyer mon geste. Pas plus que Mme Turmel, la chef par intérim des néo-démocrates, ou même M. Ray, le chef par intérim du Parti libéral. J'ai aucun chef de parti, si ce n'est qu'Option nationale, ici à Québec, qui m'a contacté pour justement me signifier leur appui. C'est le seul parti politique qui l'a fait en tant que tel. À entendre mes détracteurs, justement, sur choix, c'était parce que je suis membre d'un parti politique, je n'ai pas le droit de prendre position publiquement, littéralement. À moins que je sois conservateur et que je prenne position de leur côté. Ah oui? Moi, là-dessus, c'était quand même une entrevue que j'ai eue quand même assez hostile à mon endroit. Je savais que ça allait être hostile en partant, là, c'est sûr. Je m'attendais pas à me faire lancer des fleurs venant de choix. Puis leur homologue ici au Saguenay a été un peu plus délicat, surtout qu'il savait que je venais de me faire brasser par choix et que c'était de bon cœur, que j'avais de bonne guerre surtout, que j'avais décidé de leur accorder une entrevue. Bien, bien, bien. Écoutez, mon cher monsieur, comme si un simple citoyen, justement, militer, c'est pas prendre position. C'est drôle comme propos au niveau de la radio de Choix FM, comme si faire de la politique, c'était pas justement prendre position et aller avec des idéaux. Bon, écoutez, mon cher monsieur, en bout de ligne, c'est bien un message à lancer justement à toute la population, là, aux gens qui nous écoutent là, à propos de votre cause. C'est quoi en fait l'idéal que vous poursuivez avec cette initiative? Ben, je tiens à rappeler justement le slogan de cette année de l'Association québécoise de la prévention du suicide. Le suicide n'est pas une option. Si jamais, justement, vous avez des idées noires, je vous invite à essayer de prendre contact, même sur Facebook, ils ont un groupe. Vous pouvez aller chercher de l'aide, il y a de l'aide partout. Parlez-en à un de vos proches, au pire. Lui, il va essayer de vous trouver de l'aide s'il ne peut pas vous aider lui-même. C'est juste, justement, il faut que vous sortiez de votre isolement. C'est la première étape, si vous voulez vous en remettre. Très bien, mon cher monsieur. Dernière question avant de quitter. Évidemment, le débat a beaucoup bifurqué. À partir de ça, ça s'est beaucoup penché vers du côté de la peine de mort. Donc, je ne sais pas si vous tenez à faire une distinction face à votre démarche. C'est vraiment en ce qui les propos sur le suicide en tant que tel que vous militez. Est-ce qu'il y a aussi, est-ce que vous chapeautez également une opinion sur la peine de mort là-dessus? Alors, c'est évident que je suis anti-peine de mort. En ce qui me concerne, même au procès de Nuremberg, je n'aurais pas condamné les criminels nazis à la peine capitale. Je me dis qu'un petit séjour au goulag sibérien aurait probablement plus fait l'affaire pour un châtiment juste à cet égard-là. Je me dis que peut-être réhabiliter certains travaux publics qui seraient à la charge des détenus, ça pourrait être une option plus pertinente justement pour rentabiliser les fonds publics. Très bien. Alors, mon cher M. McBrady, merci beaucoup des quelques minutes que vous nous avez accordées. Bonne chance, bon courage en la poursuite de votre œuvre. Et puis, on va se tenir au courant, évidemment. Puis, si jamais vous avez besoin d'une tribune, vous serez toujours la bienvenue sur la Fausse Patte. Je vous remercie beaucoup. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée à vous et à vos auditeurs. Au revoir. Au revoir. Ici l'homme en noir venu vous donner rendez-vous avec la peur. Sentez vos mains se refroidir, vos cheveux se dresser, vos genoux trembler. Votre sang se glace à l'idée d'assister au spectacle Rendez-vous avec la peur. À l'Expo Théâtre de la Visitation, du 16 au 26 février, la troupe Minute présente des histoires à faire frissonner. Si vous avez le courage, réservez au 418-563-6791 ou visitez troupeminute.com. Votre station est à l'heure du web. Le saviez-vous? À partir d'un seul portail, accès à toute l'information autour de votre station ainsi qu'à toutes les communautés qui y sont attachées. CKRL.qc.ca. Écoute en direct, palmarès, programmation, sans oublier des accès à nos comptes Twitter et Facebook ainsi qu'à ceux de vos émissions favorites. Cultivez vos goûts grâce au 89.1. Tous les samedis à 11h, entrez dans l'univers parallèle. L'univers parallèle, c'est l'émission de musique électronique atmosphérique du 89.1. Par la bière Boréale, Pastissimo Maître Traiteur et le bar Le Sacrilège, 447 rue Saint-Jean. La méchanceté, c'est malsain. Il faut manger. ça change pas pour moi, rien du tout. Ça me titillait un peu, oh. Je suis pas têteux, 17h12 exactement. On avait Fred Fortin en cette fin de bloc musical, tout juste avant Pépé trop chialeux. Fred Fortin, c'était cette chanson Massacre à l'harmonica. Voilà, Fred Fortin que j'aime beaucoup, d'ailleurs, artiste qui ma foi est très inspirant, un vrai rocker taciturne comme on les aime. Mesdames et messieurs, écoutez, on entreprend le dernier droit de une reste à peine 15 minutes à cette émission du 8 février. Chers amis, en première partie, écoutez, on a parlé de François Legault, de son entrevue qu'il a accordée à Richard Martineau des Francs-Tireurs la semaine dernière, et M. Legault défendait évidemment son plan de match face à ses ambitions de devenir premier ministre du Québec. Évidemment, je faisais un peu son procès, en fait. Lui qui se dit grand apôtre du changement, eh bien, on se rend compte qu'il applique de vieilles méthodes de la vieille politique, ne serait-ce que son grand désir de faire de d'assainir les dépenses publiques. Et là-dessus, mesdames et messieurs, j'aimerais revenir sur quelque chose. Sur ce discours, évidemment, on s'entend que l'appareil gouvernemental présentement est déficitaire. Bon, ça, tout le monde le sait, on s'entend là-dessus. Je crois que ça fait l'unanimité au niveau là, des penseurs politiques, des chroniqueurs, etc., un peu partout, des deux côtés, en fait, parce que la semaine dernière, on avait le droit sur les grands réseaux à un débat entre Éric Duhem et Éric Duhem qui a écrit « Le gouvernement contre les jeunes » et Jean-François Lisée qu'on a eu en onde ici à la Fausse Patte la semaine dernière, « Comment mettre la droite KO en 15 arguments ». Eh bien, il y avait un débat entre les deux, et la seule chose sur laquelle tout le monde s'entend, c'est que le modèle gouvernemental présentement est inadéquat, il a besoin d'être changé. Mais selon François Legault, lui, c'est pas compliqué. François Legault, lui, il joue au Docteur Guéritou. Je sais pas si vous avez fait du canjo quand vous étiez petit ou des scouts, il y avait une chanson, ah, c'est le Docteur Guéritou, ah, qui a un remède à tout. Et là, un client s'est présenté disant, j'ai le pied enflé, alors on lui a coupé un bout de pied. Eh bien, c'est un peu ce que François Legault, lui, veut faire. Lui, il veut tout couper. Comme la faucheuse Bouchard a fait lorsqu'il est arrivé après 95 au PQ, où là, je vous le rappelle, instaurer le virage ambulatoire qui a créé un joyeux bordel dans les urgences québécoises. Présentement, ce qui se passe avec les listes d'attente, ça a été créé par les coupures d'effectifs de Jean Rochon, ministre de la Santé à l'époque, et de Lucien Bouchard. La réforme Axworthy au fédéral qui a été appliquée aussi par lui. Malheureusement, les étudiants se sont levés debout. Les frais de scolarité ont été plafonnés à ce moment-là. Ils ont à peine augmenté depuis. Ils ont augmenté quand même, mais bon, pas autant de façon substantielle qu'il l'aurait souhaité. Et il a fait, bon, il a voulu couper partout. Il a privatisé aussi Gaz Québec. Et là, on voit aussi où il se trouve présentement avec son chum André Caillé, qui était à la tête d'Hydro-Québec à ce moment-là. Et bien, il se retrouve grand conseiller de l'industrie gazière et essaie de faire passer à travers la gorge des populations du Québec les gaz de schiste. C'est une bonne chose. Monsieur Legault, qui se dit adepte de la nouveauté, eh ben, la lutte au déficit zéro de Lucien Bouchard dans la fin des années 90, à son arrivée au pouvoir en 2003, Jean Charest parlait de réingénierie de l'État. Tout ça n'a jamais été fait parce que le modèle québécois, oui, il est peut-être déficient, mais il est fort. Monsieur Lisée a prouvé dans son ouvrage et tous les économistes, Monsieur Marcel, on en parlait tout à l'heure, tous les économistes qui sont optimistes et progressistes s'entendent pour dire que, mesdames, messieurs, ça va quand même bien au Québec. On mène une bonne vie au niveau des pays industrialisés. Si on était un pays, le Québec, on pourrait se comparer avantageusement à des pays comme la Suède et la Norvège. Et pourtant, notre potentiel économique au niveau des ressources naturelles n'est même pas développé à son plein potentiel. On va chercher peut-être 20%. C'est ce que le plan Nord veut faire, mais ce fameux plan Nord, mesdames et messieurs, on vous rappelle que c'est 6% qu'on va recevoir de tous ces dividendes-là, de toute cette exploitation-là, selon Jean Charest. 6%, mesdames et messieurs, c'est très peu. D'ailleurs, imaginez ça. Je trouve ça dommage parce que monsieur Legault n'en parle pas de ce plan Nord-là. Parce que oui, évidemment, il est déficitaire notre système de gouvernance. Quand on est déficitaire, il y a moins de deux choses, il y a deux façons de revenir à un équilibre budgétaire, d'accord? On s'entend, tout le monde fait son budget à la maison. Il faut couper les dépenses, ça va, ou augmenter les revenus. Couper les dépenses, c'est sabrer dans les services publics, comme M. Legault propose de le faire, comme Charest a voulu le faire, il ne l'a toujours pas fait, comme Bouchard le fait, mais tout en foutant un bordel d'enfer dans notre façon de vivre et dans nos institutions. L'autre moyen, c'est d'augmenter les revenus. Et ça, les revenus, la droite vont taper des impôts. Vous allez venir encore en chercher dans notre poche. Des impôts. C'est pas vrai. C'est pas la seule solution qui est amenée. On a discuté la semaine dernière, mesdames et messieurs, la nationalisation des ressources naturelles, comme ça a été fait avec Hydro-Québec à l'époque. C'est le point tournant, c'est la pierre angulaire de notre révolution tranquille au Québec, c'est la fondation d'Hydro-Québec, nationalisation d'électricité. Pourquoi ne faisons pas la même chose avec toutes nos ressources naturelles? Quand je dis tout, les mines, l'industrie minière, selon Hugo Lapointe, pour que le Québec ait meilleure mine, un organisme qui milite pour justement la bonne gestion entre autres environnementales de cette exploitation minière-là, eh ben, l'industrie minière a vu ses profits augmenter depuis 8 ans, 7-8 ans, de 1000%, mesdames, messieurs, 1000%. Ça, c'est de l'argent que le gouvernement du Québec pourrait faire, comme le pétrole norvégien. On nationalise, nous, on garde 60%, 70%, on donne 30% à l'industrie privée, qui va se battre pour avoir ces profits-là, évidemment, et tout ça, tous les dividendes de ces mines-là sont de retour dans les coffres de l'État québécois. Et avec cet argent-là, qu'est-ce qu'on fait, mesdames et messieurs? On maintient et on développe nos services publics. C'est-à-dire qu'on offre, on engage des ambulanciers supplémentaires. On gèle ou même on réduit les frais de scolarité pour permettre à la plus grande partie de la population de s'éduquer, de devenir de meilleurs travailleurs, de devenir des entrepreneurs. Tiens donc, pour devenir un entrepreneur, mesdames et messieurs, il faut s'éduquer. Pour ça, ça prend des frais de scolarité qui sont abordables pour tous. Hein? C'est un non-sens que François Legault essaie de nous faire passer. Bref, imaginez le plan Nord avec la vision de François Legault d'entrepreneur. Ça va? Prenons sa vision d'entrepreneur. Nous sommes les actionnaires du Québec. On va le voir comme ça. On va parler son langage. On en parle avec M. Marcille. On va toujours... On analyse le monde par rapport à un bénéfice, par rapport au rapport bénéfice-coût, etc. Bon, on va parler ce langage-là. Nous, en tant que citoyens, mesdames et messieurs, payeurs d'impôts, nous sommes les actionnaires du Québec. Alors imaginez en assemblée d'actionnaires, la prochaine élection générale, là, c'est une assemblée d'actionnaires, et là, on doit voter oui ou non pour notre prochain PDG, président-directeur général. Selon la vision de Jean Charest, nous, en tant qu'actionnaires, il faut qu'on accepte que l'exploitation de nos ressources naturelles nous rapporte que 6%. C'est inacceptable. Et du côté de François Legault, on n'en parle même pas. Il n'y a même pas de plan là-dessus. Lui, tout ce qu'il dit, là, c'est qu'il nous sert du réchauffé. Il sort son micro-ondes là, politique et idéologique et il nous dit qu'il faut sabrer dans les services publics. Il faut forcer les profs et les médecins qui sont déjà débordés à être plus performants. Ça, plus performant, mesdames et messieurs, c'est-à-dire que dans votre prochain, si François Legault est élu, votre prochain rendez-vous chez votre médecin, au lieu d'avoir juste 20 minutes pour une consultation, vous allez en avoir 12. C'est ça que ça veut dire. Ça va? Dernier morceau éditorial de la journée. J'aimerais m'exprimer. Je travaille en tant que travailleur autonome en gestion d'événements. C'est ma première carrière. Je suis employé présentement au Carnaval de Québec les week-ends pour coordonner, pour être superviseur de ce qu'on appelle les contrôleurs. À partir de cette année, suite à une rupture, une coupure de subvention, n'est-ce pas, au niveau du gouvernement fédéral, si je ne m'abuse, le Carnaval de Québec a dû instaurer l'effigie obligatoire pour la visite de son site. Tout a été concentré sur les plaines d'Abraham, exactement là où se trouve la grande scène du festival d'été. Évidemment, 13$ pour accéder au site, pour certains, ça peut paraître beaucoup. D'ailleurs, nous, contrôleurs, ce qu'on fait, c'est qu'on vérifie, on dit aux gens que ça prend cette fameuse effigie-là pour assister au carnaval. Ultimement, moi, je suis pour également que ce genre de fête-là soit gratuite. Parce que le carnaval, anciennement, c'était une fête populaire qui se déroulait dans les rues, dans les tavernes, dans les salles communautaires. C'était une fête sociale de communauté. Ça a pris une tangente commerciale et familiale avec les années. Bon, c'est comme ça maintenant. Évidemment, là, les gens se plaignent parce que ça coûte 13$ pour aller assister au carnaval, pour aller se promener sur le site. Et on reçoit vraiment toutes sortes, vraiment, on se fait dire toutes sortes de belles bêtises, nous ne sommes que les messagers, et on se fait passer sur le corps, rentrer dedans. Eh bien, mesdames et messieurs, 13$, premièrement, si vous allez au cinéma, c'est 13$, c'est le même prix, hein, c'est la même chose. Vous prenez un trio Subway, hein, un steak fromage, ça va vous coûter à peu près ça, 13$ en trio. Donc, déjà là, les gens... ceux qui se plaignent de tout ça, ben, essayez de mettre ça en perspective, je vous prie. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que au niveau de la ville de Québec, on est une ville qui vote très à droite, hein, soit dit en passant, c'est pas une nouvelle pour personne. L'argument qu'on nous donne, c'est on va appeler Régis, on va appeler le maire, il va nous régler ça, lui. Il va nous régler ça, lui, le carnaval à 13$, là, ça va revenir. Eh bien, mesdames et messieurs, je vous m'excuserai, là, mais quand un gouvernement municipal investit 200 millions dans la construction d'un amphithéâtre, eh bien, il va couper à quelque part. Et ça nécessite probablement que les festivals maintenant vont coûter plus cher. Parce que là, on a appris aussi dans les journaux, dans le Soleil, que l'assainissement du sol sous le Colisée va coûter une somme faramineuse. Et puisqu'on est habitué dans les devis publics maintenant que ça coûte toujours le double ou le triple, alors vous imaginez l'épice, la facture salée qu'on va avoir en bout de ligne. Eh bien, mesdames et messieurs, cher public de Québec, préparez-vous parce que c'est une prédiction que je fais, c'est très présomptueux, mais je le fais en toute bonne foi. Attendez-vous, mesdames et messieurs, que si un amphithéâtre se construit et qu'une équipe de hockey débarque, mais attendez-vous à ce que tout augmente et notre diversité culturelle va être en grand danger. Là-dessus, c'est comme ça que je vais conclure cette émission du 8 février de la Fausse Patte. Mesdames et messieurs, bon, évidemment, une émission un peu plus colérique, un peu plus acide que d'habitude. Petit résumé, on a parlé de François Legault, éditorial sur son entrevue au Grand Tireur donnée à Richard Martineau la semaine dernière. Yannick Marcel est venu nous parler, entre autres, on est parti de ce discours de Pierre-Hugues Boisvenu qui dit que la peine de mort serait peut-être une bonne chose parce que ça coûte cher garder les détenus à l'intérieur et que lui s'indigne de cette vulgarité de toujours ramener à un argument économique lorsque c'est le temps de débattre de questions sociales. Au contraire, ça devrait être idéologique quand un organisme qui défend, en fait, qui combat le suicide au Québec est obligé d'avancer un argument comme quoi ça coûte plus de 800 000 $ quand quelqu'un se suicide. Eh bien, on est tombé peut-être dans une certaine démagogie. Et bon, et c'est ce qu'il critiquait. Et finalement, on a eu Jacques McBrady, qui est de Ville-Saguenay, qui a pris toute une initiative citoyenne en portant plainte aux criminels auprès de la SQ, la Sûreté du Québec, contre les propos de Pierre-Hugues Boisvenu, parce que inciter quelqu'un à s'enlever la vie, mesdames et messieurs, c'est un acte criminel, et c'est ce qu'il tente de faire, c'est ce qu'il tente de prouver, et forcer justement le Parti conservateur et Pierre-Hugues Boisvenu, pardon, à se rétracter. Donc, émission pas évidente. On va se donner quand même une petite chanson pour finir tout ça avant d'aller rejoindre Tania Beaumont en direct du Sacrilège. C'est toujours le dernier album des Cowboys Fringants que j'aime beaucoup, qui s'intitule Que du vent. C'est une petite chanson qui fait l'éloge de Québec. Ça s'intitule Comme Joe Dassin. Et là-dessus, je vous dis à la semaine prochaine, Christian Saint-Pierre pour la Fausse Patte. Et au retour, Tania Beaumont en direct du Sacrilège. C'est plein de larmes dans ta bière, quand on s'est dit que c'était la fin. Comme dans une chanson de Joe Dassin, je suis parti avec mon malin. Quelle est donc la route du destin, quand on doit se marcher sur le cœur. Mais à tout hasard, je t'envoie des mecs chaque fois que je repasse à Québec, en espérant un petit coup de vent. De les apports pour appeler le temps, qu'on soyait comme des amants, dans les cafés de l'âme Saint-Jean, même si déjà on savait bien que notre histoire n'arrivait à rien. Sur la rue, ça devait bien faire au moins 10 ans. Si tu as fait mine de ne pas m'avoir vu, tu t'es trahi en te retournant. Comme dans une chanson de Joe Dassin, on a souri en baissant les yeux. Oui, chacun a pris son chemin, comme si c'était un dernier adieu. Comme des ça le lien de notre histoire de l'hiver. À tout hasard, je prends des becs. Je crois que je repasse à Québec en espérant qu'un petit coup de vent de les apporte pour rappeler le temps où on se voyait comme des amants dans les cafés de la rue Saint-Jean, même si déjà on savait bien. Dépanneur unique, la Duchesse d'Aiguillon se démarque grâce à son histoire et son ambiance, mais surtout parce qu'elle offre la plus grande sélection de bières au centre-ville de Québec. La Duchesse d'Aiguillon